Dans tous les pays, il y a une fleur sacrée. Par pitié, faites qu'il n'y touche jamais. Voici Salambo. Secret.